Nous retrouvons Pierre-Louis Basse et ses invités. Nous retrouvons surtout Astérix et nos invités autour des mangas. On va conclure tranquillement sur ce dossier en remerciant également Paul Gravette qui est avec nous depuis Londres pour son album sur les mangas. Frédéric Vidal, aujourd'hui, qui lit de la BD? Est-ce que les critiques sur le thème de la sous-culture, est-ce que tout ça, ça disparaît un peu? On en est où aujourd'hui en 2005? Eh ben, on en est sur Europe 1, avec un journaliste pendant une heure. On parle de bande dessinée, et ça c'est nouveau, ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont passées depuis les débuts d'Albert Uderzo. En fait, je pense qu'il y a surtout une chose essentielle, c'est que tous les décideurs, notamment les rédacteurs en chef de tous les grands journaux, ont été éduqués à la sauce pilote, notamment le magazine que tenait René Goscinny il y a déjà quelques années, et tout le monde a baigné dans la bande dessinée, et maintenant il n'y a plus du tout ce problème de répulsion par rapport à la bande dessinée, ce qui fait que les jeunes lisent de la bande dessinée, tout le monde trouve ça normal. Les gens qui ont entre 40 et 50 ans lisent de la bande dessinée parce qu'ils ont été bercés par notamment Pilote et ses journaux quand ils étaient plus jeunes, et dans votre génération, Albert, doit pas y avoir grand monde par contre qui en lit, à part vos collègues peut-être. Oui, c'est peut-être assez difficile. Ce que je trouve difficile maintenant dans ce métier, pour les jeunes, c'est que c'est un métier évidemment qui a fait florès et qui a fait naître énormément d'envie et énormément de passion aussi. Contrairement à ce qui se passait à notre époque où nous pouvions faire nos armes dans un journal, parce qu'il y avait, Dieu sait qu'il y avait un nombre de journaux une quantité assez bonne, avec des directeurs de journaux qui connaissaient rien, qui prenaient n'importe quoi, donc ça nous permettait de travailler pour pas cher, mais on travaillait. Alors qu'aujourd'hui, justement, il y a la formation des décideurs. Maintenant, vous en êtes un exemple. Vous connaissez très bien ce qui doit être fait, ce qui est beau, ce qui doit être beau, ce qui est de qualité. Et les jeunes, maintenant, doivent avoir un certain talent pour pouvoir être inscrits. C'est même stupéfiant la qualité des premières œuvres. Oui, si on compare, si vous me permettez, je pense que le premier Astérix aujourd'hui aurait du mal à être publié. Si je pouvais le refaire. Richard Malka, c'est pas facile de pénétrer ce milieu de la BD. Non, c'est... Enfin, c'est pas une secte, mais... C'est un milieu assez fermé. J'ai mis quelques années à entrouvrir les portes de ce milieu. Alors, effectivement, c'est un phénomène intéressant que vous souleviez, parce qu'effectivement, les journaux de bande dessinée se font de plus en plus rares. C'est-à-dire qu'on passe maintenant directement à la publication d'un album. Mmh. Et c'est difficile, parce que c'est des enjeux économiques compliqués et lourds. Donc, il faut être une équipe, c'est-à-dire scénariste, dessinateur. Il faut arriver à pénétrer le milieu. Les éditeurs sont de plus en plus concentrés, donc c'est compliqué. Merci à vous tous d'avoir été. Oui, Pierre Valls, l'heure, c'est déjà l'heure. Je veux dire à Uderzo que pour le prochain Astérix, il pourrait peut-être faire Astérix au pays des mangas. Ce serait peut-être pas mal. C'est une idée que je vais essayer de travailler parce que je vais faire des idées pour le prochain. De droite à gauche ou de gauche à droite? Comme il veut. Merci à vous tous. Comme il veut. Merci à vous tous. Merci. Et à bientôt. Merci.